Chapitre 13 du livre de Tobie, de la Bible de Filion, traduit par le révérend père Louis-Claude Filion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Alors Tobie l'ancien, ouvrant la bouche, bénit le Seigneur et il dit : Vous êtes grand, Seigneur, dans l'éternité, et votre règne s'étend à tous les siècles. Car vous châtiez et vous sauvez, vous conduisez jusqu'au tombeau et vous en ramenez, et nul ne peut se soustraire à votre main. Rendez grâce au Seigneur fils d'Israël et louez-le devant les nations. Car il vous a dispersé parmi les peuples qui l'ignorent, afin que vous publiiez ses merveilles et que vous leur appreniez qu'il n'y a pas d'autre Dieu tout-puissant si ce n'est lui. C'est lui qui nous a châtiés à cause de nos iniquités, et c'est lui qui nous sauvera à cause de sa miséricorde. Considérez donc la manière dont il nous a traités, et bénissez-le avec crainte et tremblement, et exaltez par vos œuvres le roi des siècles. Pour moi, je le bénirai sur cette terre où je suis captif, parce qu'il a fait éclater sa majesté sur une nation criminelle. Convertissez-vous donc, pécheurs, et pratiquez la justice devant Dieu, et croyez qu'il vous fera miséricorde. Mais moi et mon âme, nous nous réjouirons en lui. Bénissez le Seigneur, vous tous, ses élus, célébrez des jours de joie et rendez-lui des actions de grâce. Jérusalem, cité de Dieu, le Seigneur t'a châtié à cause des œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur pour les biens qu'il t'a faits, et bénis le Dieu des siècles, afin qu'il rétablisse en toi son tabernacle, et qu'il rappelle à toi tous les captifs, et que tu te réjouisses dans tous les siècles des siècles. Tu brilleras d'une lumière éclatante, et toutes les extrémités de la terre t'adoreront. Les nations viendront à toi des pays lointains, et t'apportant des présents, elles adoreront en toi le Seigneur, et considéreront ta terre comme un sanctuaire. Car elles invoqueront le grand nom au milieu de toi. Ceux qui te mépriseront seront maudits, ceux qui te blasphémeront seront condamnés, et ceux qui t'édifieront seront bénis. Mais toi, tu te réjouiras dans tes enfants, parce qu'ils seront tous bénis et réunis près du Seigneur. Heureux tous ceux qui t'aiment et qui se réjouissent de ta paix. Mon âme, bénis le Seigneur, parce qu'il a délivré Jérusalem, sa cité, de toutes ses tribulations, lui le Seigneur notre Dieu. Je serai heureux s'il reste quelqu'un de ma race pour voir la splendeur de Jérusalem. Les portes de Jérusalem seront bâties de saphir et d'émeraude, et toute l'enceinte de ses murailles de pierres précieuses. Toutes ses places publiques seront pavées de pierres blanches et pures, et l'on chantera dans ses rues « Alléluia ». Béni soit le Seigneur qui l'a exalté, et qu'il règne sur elle dans les siècles des siècles. Amen. Fin du chapitre 13.